Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons poursuivre dans cette même thématique de la crise financière, mais cette fois-ci en littérature, vous allez l'entendre, avec ce troisième épisode d'une série diffusée une première fois, c'était fin août 2018. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 10 ans, c'était le début de la grande crise des subprimes, marquée par la faillite de la banque Lehman Brothers. Et France Culture revient donc toute la semaine dans diverses émissions sur cette crise financière. Nous le faisons également de notre côté avec 4 romans de l'argent, de la bourse, de la banqueroute et de la pauvreté qui s'ensuit. Aujourd'hui, Dos Passos et sa grosse galette. C'est donc avec Balzac que nous avons ouvert la semaine en relisant son roman La Maison Nucingen, qui met en scène une faillite truquée, un chef-d'œuvre de créativité financière au début du 19e siècle. Et puis nous avons sauté quelques décennies jusqu'à tomber sur Zola qui parlait de la bourse dans son roman L'Argent, c'était en 1890. Et enfin demain, nous serons davantage du côté des conséquences de la crise de 29 dans les campagnes américaines, puisqu'il sera question des raisins de la colère de John Steinbeck. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, avant de le laisser partir pour les États-Unis où il va enseigner quelques mois à l'Université de Virginie, nous sommes avec Philippe Roger, auteur de nombreux textes, parmi lesquels la préface au Quarto, qui regroupe chez Gallimard les 3 romans de la trilogie USA de John Dos Passos et où figure justement cette grosse galette dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement heureux qu'on vous filme, qu'on vous interviewe. Ah non, pour moi, c'est comme une visite au dentiste, franchement. Merci. Non, je trouve que c'est tout à fait abominable. Et de temps en temps, je ne sais pas, il faut céder un peu aux coutumes de l'époque. Vous n'aimez pas ça du tout? Pas du tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'interviews en français de John Dos Passos, qui parlait pourtant parfaitement notre langue. Bonjour Philippe Roger. Bonjour Mathieu. Je ne sais pas si vous êtes fait violence comme Dos Passos pour accepter de répondre à nos questions aujourd'hui. C'est quand même pas tout à fait comme la roulette du dentiste. Pour venir dans la compagnie des auteurs, jamais. Et il faut dire que vous êtes un habitué de ce micro. Vous venez régulièrement nous parler de la revue Critique, dont vous êtes le directeur. Puis vous êtes également directeur d'études à l'EHESS et historien spécialiste du 18e siècle. On ne parlait peut-être pas beaucoup de crise financière, ni même d'argent, dans cette littérature du 18e siècle que vous connaissez si bien. Si, justement, il est vrai qu'on a l'habitude d'attribuer beaucoup de choses au 19e siècle, que ce soit du côté du roman ou de la capacité à parler de l'argent. Mais évidemment, chacun a ses marottes là-dessus. Mais il faut dire quand même que l'apparition de l'argent, non pas simplement comme un détail dans le récit, mais comme vraiment important dans le récit, il me semble que ça date justement du 18e siècle. Je pense à Manon Lescaut, par exemple, de l'abbé Prévost, qui est un roman magnifique. Évidemment, on le lit comme un roman de la passion, surtout. Mais cette passion racinienne, elle est sur fond de contes très, très sérieux, puisque tout est tarifé, serré, y compris les charmes de Manon. Hein, et le roman est de 1731. Donc, on a là, à mon avis, dans le domaine français, un des premiers romans où l'argent précisément comptait, comment en vivre, comment payer son loyer, comment payer les sbires pour pouvoir accéder à la pauvre Manon quand elle est enfermée à la salpêtrière, etc. Tout est indiqué très précisément par l'abbé Prévost. Et qu'est-ce qui se passe selon vous dans ce 18e siècle littéraire pour que tout d'un coup ce thème devienne intéressant ? Bon, moi, je suis toujours un petit peu sceptique quand on essaie de faire des liens trop serrés entre les réalités de l'histoire et puis de la littérature. Il y a forcément des décalages, mais il y a quand même là une bonne chance que ce soit la spéculation financière qui a lieu sous la Régence, c'est-à-dire après la mort de Louis XIV, donc au tout début du XVIIIe siècle, hein, ce moment spéculatif de la Régence avec la fameuse spéculation boursière déjà sur le Mississippi, ce qu'on appelle la faillite de Lass, puisqu'il faut prononcer Lass, cet Écossais qui a inventé la société par action, et des actions basées sur des territoires du Mississippi dont on n'avait aucune idée en fait du profit qu'on pouvait en tirer. Donc ça a été à la fois une spéculation énorme dans le pari de la Régence et en même temps une faillite retentissante avec toutes les conséquences sociales. Ça a des enrichissements, des nouveaux riches. On est déjà là au début du 18e dans un schéma boursier. On va retrouver la même chose avec évidemment des modalités techniques différentes, mais on va retrouver les mêmes phénomènes, je dirais, à la fois d'exaltation, d'excitation et de démoralisation, voire de catastrophe que Zola par exemple décrit dans L'Argent. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, là vous parlez du contexte historique, un autre rapport des écrivains vraiment à l'argent? Ah ben vous avez parfaitement raison, et c'est même l'aspect qui m'intéresse le plus personnellement. Mais je crois qu'on peut lier ça à l'apparition des objets, tout simplement. Hein, y a pas mal de gens ont fait remarquer que les objets, ça intéressait beaucoup Stendhal par exemple, les objets apparaissent assez tardivement dans le roman. Stendhal dit, c'est une idée en tout cas intéressante, que c'est dans La Princesse de Clèves que nous voyons vraiment les premiers arbres. C'est pas vrai, bien sûr, mais je veux dire, il y a une vérité de cette remarque. C'est-à-dire, il y a une promenade sous des arbres où, pour une fois, les arbres ne sont pas une allégorie, ouais, un pur décor. Le matériel décor, à droite cité. Voilà. Et donc, le matériel, les objets, et dès lors que vous introduisez ce monde réel des objets, et ça se passe au début. Bon, Princesse de Clèves est peut-être un point d'origine, je ne sais pas, mais je respecte tellement Stendhal que je suis prêt à le croire. Mm-hmm. Mais en tout cas, au début du 18e, c'est très net. On le voit dans les romans de Marivaux aussi. On a Marivaux, il y a eu une espèce de scandale parce qu'il introduisait des scènes de cochers de fiacre, de discussions dans Paris, là encore sur le prix de la course qu'il fallait acquitter aux cochers. Et tout ça choquait dans un roman qui n'était pas un roman comique, c'est-à-dire un roman burlesque. Oui, c'est choquant parce que on a tendance à dissocier l'art de l'argent. Et évidemment, parler d'argent dans un roman, ce n'est peut-être pas ce qui se fait de plus noble. Et beaucoup de romanciers, peut-être, ont reculé face à cette difficulté. Bon, c'est probable. Moi, j'ai toujours une sympathie pour les grands écrivains ou poètes qui réclamaient de l'argent ou des pierres précieuses pour leurs poèmes. Enfin, et ça, au XVIe siècle, par exemple, ça se pratiquait assez bien. Moi, j'ai toujours eu une sorte de sympathie pour cette audace et cet orgueil du travail bien fait qui fait qu'on n'hésite pas à dire, quoi, vous m'avez envoyé juste un petit diamant pour mon sonnet, j'en veux une bourse pleine, etc. Mais vous avez raison, il y avait là quelque chose comme une censure de la bienséance. Mmh. Puis il y a peut-être l'aspect technique aussi, c'est difficile de parler de cette chose très immatérielle qu'est l'argent, que sera plus tard la bourse. D'ailleurs, on a vu au début de cette semaine avec la maison Nucingen que Balzac s'y est peut-être un petit peu cassé les dents, ce n'est peut-être pas son roman le plus agréable. C'est difficile finalement d'évoquer cette notion en littérature. C'est extrêmement difficile. La littérature de fiction a un gros problème avec l'argent, ce problème n'est pas réglé. Vous citez le cas de Balzac, c'est vrai que on voit bien que Balzac a du mal à raconter cette histoire. Bon, c'est vrai que pour nous, en plus, le vocabulaire technique de la banque n'est plus le même, donc on a beaucoup de mal à déchiffrer, mais on voit bien que même pour ses contemporains, Balzac a inséré ça comme une histoire qu'on entend par hasard, entendant l'oreille, et s'est mêlé de tas de calembours, de tas de plaisanteries. Enfin, on voit qu'il a du mal à mettre en scène ce récit. Et ces mécanismes techniques, il est très rare que les romanciers sachent les exposer. Et on trouve ça, à mon avis, dans le naturalisme, un peu chez Zola, et peut-être plus encore dans le naturalisme américain, ce qui nous rapproche d'ailleurs de Dos Passos. Et je pense à Dreiser, par exemple, qui, dans un roman pas très connu en France, qui s'appelle Le Financier, enfin dans les deux langues, s'était en français, forcé... Le Financier? Oui, Le Financier, oui. The Financier. Et c'est un roman de Dreiser. Dreiser est très important pour Dos Passos. Hein. Ils sont très proches, ils seront amis, même s'ils ne sont pas de la même génération. Et ils seront amis aussi dans des luttes politiques dans les années 20. Mais le roman Le Financier est un des rares où on essaie de nous faire comprendre les mécanismes d'une spéculation dans les États-Unis du milieu du 19e, c'est-à-dire les tout débuts. Alors c'est encore les tramways, c'est pas encore les chemins de fer, hein, je trouve l'entreprise de Dreiser très intéressante. Parce qu'elle est, elle est ni moraliste, son financier est un personnage un peu en deçà du bien et du mal. C'est toujours un peu l'écueil hein, quand on parle d'argent, quand on parle de la bourse. C'est toujours l'écueil, on le voit bien dans le roman de Zola que je trouve très intéressant, l'argent, mais parce que finalement le personnage est à la fois fascinant, il est certainement un peu catastrophique, celui qui invente ses montages boursiers, mais le jugement n'est jamais porté dans le roman puisque jusqu'à la fin il y a une hésitation. Est-ce que si l'argent c'est le sang, c'est la vie, hein, comme c'est répété par Zola tout le long du livre. Bah, peut-on condamner le sang, la vie et même le fumier, puisque c'est du fumier que naît de la pourriture du fumier que naît la vie. Alors aujourd'hui, Philippe Roger, on va donc parler de John Dos Passos et de son chef-d'œuvre USA. C'est un triptyque que vous avez donc édité et préfacé en 2002 dans la collection Quarto Gallimard. Cette trilogie USA, elle raconte une Amérique des années 1910-1930 qui correspond à une époque de très grande expansion économique. C'est celle du début du siècle qui est portée notamment par la révolution technologique de l'automobile. Et c'est précisément le troisième tome, la grosse galette, qui va véritablement s'attacher à décrire la crise de 29-30 ou plutôt ses conséquences. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama un petit peu ces trois romans, peut-être en vous attardant sur la grosse galette? Oui, on peut le faire. Alors, je vais, pardonnez-moi, cher Mathieu, corriger très légèrement la chronologie parce que d'une part, l'action, en tout cas à travers les récits insérés, remonterait plutôt à la fin du 19e, hein, c'est une histoire de l'Amérique. Hein, c'est une histoire de l'Amérique sous un angle très particulier qui est la disparition, l'écrasement du mouvement socialiste américain d'avant 14. C'est le seul moment finalement où l'Amérique a pu croire à l'avènement sur son sol du socialisme, d'une forme de socialisme, et c'est ça que raconte Dos Oui, Passos. Parce qu'il y a eu ce tiers parti qui a été créé fin 19e, qui est un parti populiste, mais attention à ce mot populiste ici, il s'agit d'un populisme à la fois agrarien, mais lié à des syndicats, au premier syndicats, à certains des syndicats ouvriers. Ce n'est pas le populisme au sens que d'ailleurs nous aurons bien du mal à définir, qu'il prendra ensuite avec l'idée de l'homme fort, de la démagogie, etc. C'est un populisme qu'on peut appeler, pour faire vite, socialiste ou socialisant, de gauche en tout cas. Le terminus de la trilogie, c'est très exactement 1927. Je me permets d'insister sur la date parce que c'est l'affaire Sacco et Vanzetti. C'est l'affaire Sacco et Vanzetti, condamnation de ces deux anarchistes italiens à mort, hein, pour des attentats dans lesquels ils n'ont sans doute pas trempé. Dos Passos a beaucoup milité, comme beaucoup d'autres, hein, contre leur exécution. Et c'est important parce que ça veut dire aussi que ça se termine sur un énorme échec. Donc la trilogie, c'est l'histoire américaine en cloche. C'est l'histoire de l'émergence aussi d'Amérique. Oui, c'est à la fois l'émergence de l'Amérique, c'est l'espoir qui monte, hein, c'est le premier volume, 42e parallèle. Et c'est le titre du premier volume de la trilogie. Pourquoi ? Il faut peut-être éclairer ce titre, hein, 42e parallèle. C'est un très beau titre. Hein. C'est un très beau titre, un tout petit peu énigmatique quand même, puisque c'est le parallèle qui relie aux États-Unis, hein, il fait le tour du globe par définition, mais aux États-Unis, il relie la région où ont débarqué les Pilgrims, hein, c'est-à-dire les gens du Mayflower qui s'installent, qui sont les premiers à installer la fameuse colonie du côté de Plymouth. Et puis ce parallèle, il va vers Chicago, Chicago, qui est le symbole même de l'Amérique industrielle, Chicago, la ville énergique, celle qui a été chantée par les poètes américains de la fin 19e, mais aussi qu'on voit dans le grand roman The Jungle, hein, le roman sur les abattoirs de Chicago, qui fait date, hein, dans le naturalisme américain. Et puis ça va ensuite, le 42e parallèle se termine à la frontière de l'Oregon et de la Californie. Donc c'est les nouvelles terres, c'est la ruée vers l'or, hein, c'est le Gold Rush. Donc c'est toute l'histoire de l'Amérique, ce 42e parallèle. C'est l'histoire de l'Amérique en suivant un parallèle, hein. Donc il y a une très belle image, évidemment. Et ce premier volume, c'est le volume des luttes. C'est le volume des luttes, mais des luttes pleines d'espoir, des luttes très violentes, avec l'émergence des mouvements syndicaux, y compris très radicaux, et aussi leur écrasement, soit par les forces de l'ordre, soit même par des forces parallèles, comme les fameuses armées de Pinkerton, hein, qui ont écrasé certaines des grèves ouvrières. Puis 1919, le deuxième volume, 1919. Pour Dos Passos, c'est l'après-guerre, c'est la fin de la guerre. Alors, pour nous, cette chronologie n'a pas tellement de sens. Hein. 1890-1927, c'est pas très significatif pour nous. 1919, Dos Passos nous dit, c'est l'an 1 du 20e siècle. Pour nous, c'est plutôt 14 qui marquerait une sorte d'étiage, quelque chose qui bouleverse tout. Pourquoi 1919? C'est le siècle américain. Hein. En 1919, l'Amérique a raflé la mise, hein, comme dira Paul Morand. Voilà. Ils sont entrés à reculons dans la guerre et ils ont fini par rafler la mise. Exactement. Hein. Et c'est ça le grand thème de la trilogie. C'est-à-dire que là, la perspective pour nous est tout à fait singulière. Hein. Elle est très particulière à Dos Passos et elle est proprement américaine, puisqu'il s'agit de dire la guerre de 1914-1918 a été un désastre, mais pas parce que ça a été une hécatombe et un désastre humain et moral et matériel, comme nous le ressentons évidemment avec nos millions de morts. Il y a eu relativement peu de morts américains en 17-18, mais ça a été un désastre parce que le mouvement socialiste américain a pu être écrasé grâce à l'entrée en guerre en 17, d'autant que ce mouvement était très largement composé de gens d'origine allemande et qui donc avaient été pris dans une situation extrêmement difficile au moment de l'entrée en guerre contre l'Allemagne. Et donc ce troisième volume, La grosse galette. Finalement, en quoi est-il le roman de la crise? Parce que c'est aussi le roman justement de l'Amérique triomphante, de l'Amérique de l'argent. Alors, je pense que là, c'est plus compliqué et qu'il nous faudra plus de temps pour en parler que je n'ai fait pour les deux premiers volumes. La grosse galette, Dos Passos commence à l'écrire en 32. Or, il décrit les années 20. Vous avez mis un petit jazz endiablé en début d'émission, c'est une excellente idée. C'est ce qu'on appelle les années folles en France, mais on les appelle en Amérique les Roaring Twenties. Hein, pourquoi les Roaring Twenties? Les années 20 qui rugissent, mais en fait c'est une allusion au 40e mugissant. Hein. C'est-à-dire que donc, on se trompe souvent sur le sens de Roaring Twenties, c'est l'idée de tempête. Hein, c'est l'idée que des tas de choses vont bouger, s'agiter, mais que beaucoup de choses vont être fracassées aussi. Et donc, autant 19 est le moment de la suprématie américaine, enfin en tout cas symboliquement, aux yeux de Dos Passos, un des héros de 1919 dit « Nous sommes devenus les Romains de ce monde ». Et il ajoute très coquettement « Et moi qui aurais tellement voulu être grec ouais. ». Ça, c'est l'humour extrêmement classique et cultivé de Dos Passos, parce que on y reviendra peut-être, mais Dos Passos passe pour un moderniste, mais il est absolument pétri de culture classique. Hein, c'est une des contradictions intéressantes du personnage. Alors que le roman La grosse galette est un roman de l'échec de cette suprématie. C'est-à-dire, c'est un roman de la tempête lié à ce qu'on connaît, c'est-à-dire le boom économique désordonné qui aboutit à la crise de 29. Make a fuss when a thing goes wrong. Some start to sing and curse, and others sing a song. Newsreel. Actualité. Wall Street optimistic. Optimisme à la bourse. Brokers loans hit new height. Nouveau record de l'emprunt des courtiers. Wheat oversold reaches new height. Nouveau plafond de la vente des surplus de blé. Quand l'ordre des choses est renversé, dit Mr. Ford, Le chaos sévit toujours, mais le travail fait accomplir des miracles et surmonter les conditions chaotiques. Dès que les masses russes auront appris à désirer plus qu'elles n'ont, quand elles souhaiteront des cols blancs, du savon, de meilleurs vêtements, de meilleurs souliers, de meilleures maisons, de meilleures maisons. Murder bears Quaker State fantasies. Un meurtre dévoile les étrangetés de l'État Quaker. 500 millions in bank deal. Accord de 500 millions entre les banques. Gab Marathon, run for gold on Broadway. Assister à Broadway au premier marathon professionnel de la parole. La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait d'une mise en fiction de The Big Money, La Grosse Galette par France Culture en 1986. Ça, c'est un extrait des actualités parce qu'il faut dire, Philippe Roger, que la forme est en effet très moderne, la forme de ce roman, notamment parce que Dos Passos a repris des titres de journaux de l'époque pour donner un peu l'atmosphère qui régnait durant cette crise. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet extrait qu'on vient d'entendre ? Ben, je pense que cette, le mot chaos qui sort à un moment de l'extrait est très bien venu. Ce que Dos Passos a voulu montrer, c'est les conséquences chaotiques du boom économique et de cette suprématie mondiale, de l'entassement de tout l'or du monde. C'est intéressant qu'on trouve dans La Grosse Galette des formules qui sont extrêmement proches. Et là, on peut dire, Dos Passos n'est pas original. C'est extrêmement proche de ce que tous les romans européens disent au même moment. Il y a évidemment le célèbre Voyage au bout de la nuit de Céline, qui est antérieur. On sent qu'il l'a lu. À mon avis, c'est évident, il lisait tout. Il lisait le français parfaitement. Quand il était jeune, on le surnommait le Frenchie à l'école. D'ailleurs, on a entendu qu'il parlait très très bien français. Il avait d'ailleurs une amie française avec qui il correspondait. Et il a traduit Blaise Cendrars très magnifiquement. C'est un grand connaisseur de culture française et un dévorateur de livres. Donc ça fait pas de doute. Il connaissait Céline, il connaissait Morand aussi. On lit un peu moins Morand, mais il y a ce roman de Morand de 1930, Champion du monde, qui commence par une image assez forte sur New York, comme une pile de jetons nacrés, entassés, parce que c'est l'Amérique qui a gagné au casino. Mmh. Et c'est exactement le même thème qu'on retrouve dans la Grosse Galette. C'est-à-dire que Manhattan contient maintenant, écrit Dos Passos, tout l'argent du monde. Mais cette accumulation de l'argent va aboutir au chaos et à la catastrophe. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est le caractère profondément pessimiste, noir, en fait, des récits de vie qui sont donnés. Et il faut peut-être revenir là, vous le suggériez, à la décision technique de construire le roman, La Grosse Galette, comme les deux précédents, avec une sorte de modernisme un peu compliqué. Voilà, il y a quatre finalement types de récits qui s'enchassent les uns dans les autres. On peut peut-être détailler un petit peu ces quatre types. Oui, je crois que ça vaut la peine, même si c'est pas forcément ce qui a le mieux vieilli dans le roman, ça reste quand même une chose extrêmement intéressante. Ça rend la lecture un peu déroutante et en même temps extrêmement intéressante. Alors, pour faire très simplement, on pourrait dire qu'il y a quatre types de textes, de récits, c'est pas toujours des récits, insérés les uns dans les autres. Bon, il y a évidemment les histoires des personnages fictifs, qui sont les plus longues, et qui sont, et ça c'est intéressant, puisque tous les personnages sont en fait des losers. Il y en a pas un, celui qui domine la Grosse Galette, c'est Charles Anderson, qu'on a vu déjà comme pilote dans le roman précédent, pendant la guerre de 14-18. Or, Charles Anderson, qui au début pense que on lui fait des propositions intéressantes, il va devenir un super ingénieur, il joue à la bourse, etc. Et en fait, il va sombrer dans l'alcoolisme, il va perdre tout son argent. Enfin, c'est une métaphore de la crise, ce personnage, pour vous ? Je dirais qu'il y a chez Dos Passos, curieusement, à la fois une vision très politique et une vision très moraliste. Bien plus encore que chez Zola, par exemple, où ça reste beaucoup plus ambigu. Alors, il y a les histoires, il y a Charles Anderson qui perd tout ce qu'il a, en fait. Hein. Mais il y a aussi, parmi les personnages importants, il n'y a pas beaucoup dans ce troisième roman. Hein. C'est centré sur une douzaine, quand même. À peine. Enfin, ceux qu'on voit beaucoup, il y en a moins que cela. Et Mary French, c'est important aussi. C'est un personnage féminin venu d'un milieu modeste, a fait de bonnes études et qui se lance dans le soutien aux grèves, aux plus radicaux des socialistes, enfin les communistes américains en fait, et qui est un personnage à la fois éminemment estimable, mais profondément malheureux, hein, qui en fait est exploité par ses camarades syndicalistes, qui vit dans une espèce d'esclavage permanent, qui se tue au travail pour les syndicats. Il n'y a pas de manichéisme chez Dos Passos, les syndicats ne sont pas forcément meilleurs que les patrons. Alors il y en a d'autant moins dans le troisième volume, là vous touchez un point extrêmement important et sensible, il y en a d'autant moins dans La Grosse Galette, que La Grosse Galette est écrite très précisément au moment où Dos Passos est en train de changer de vision, et en particulier de se détacher définitivement de ses sympathies communisantes du début des années 20. Et ça, c'est évidemment un moment tournant, hein, puisque ça commence très précisément en 34, hein, où Dos Passos est parmi les tout premiers, aux États-Unis en tout cas, à prendre conscience de l'autoritarisme du régime stalinien. Il l'appelle napoléonien au début. Et puis, ça va être l'expérience de la guerre d'Espagne. Mais alors lui, il a un revirement politique qui est absolument spectaculaire, puisqu'il passe quand même d'une jeunesse communiste à une fin de vie maccartiste. Et aujourd'hui, on peut imaginer qu'il aurait voté pour Trump s'il était toujours vivant. Ah, vous allez loin, là. Il ne faut pas préjuger de ce qu'il aurait fait aujourd'hui. Mais en effet, ça paraît... à première vue, on a l'impression d'un de ces parcours... de l'extrême gauche à l'extrême droite, dont on a d'autres exemples dans d'autres pays, qui est un peu banal. En fait, je crois qu'il y a quelque chose de plus complexe que ça. C'est-à-dire que depuis le début, Dos Passos, qui ne vient pas du tout d'un milieu pauvre, encore moins ouvrier, hein, contrairement à beaucoup des autres écrivains ou des gens qu'il admire comme Veblen, par exemple, Dos Passos... Il a une jeunesse agitée quand même, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler un petit peu, avec un père qu'il connaît tellement assez tard. Agitée et luxueuse. Mais en tout cas, peu importe, parce qu'il n'y a pas de déterminisme là-dessus non plus. Mais il commence dans une tradition qui est celle des vraies valeurs américaines. C'est important parce que les vraies valeurs américaines, telles que son père a pu les lui transmettre, c'est des valeurs libérales, liberal au sens américain du terme, c'est un certain humanisme de gauche, c'est le jeffersonisme. C'est vraiment la grande tradition jeffersonienne. Et donc, c'est ce populisme à l'américaine, hein, j'insiste, de la fin du 19e. De là, et donc, une admiration pour ce mouvement socialiste d'avant le communisme, qui est très fort aux États-Unis jusqu'en 14. Donc, il est logique, en allant vers ce socialisme libertaire, il est de sensibilité libertaire, Dos Passos, hein, et il n'a jamais vraiment cessé de l'être. Et comme vous savez, aux États-Unis, voilà, il y a l'ambiguïté libertaire à notre sens, qui est plus proche d'une anarchie nettement marquée à l'extrême gauche, mais il y a aussi les libertarians qui, eux, peuvent très bien se situer dans une haine de l'État très très loin du côté de la droite. Et il est totalement logique qu'il aille d'abord vers ce qui apparaît comme la suite du mouvement socialiste, c'est-à-dire quelque chose qui devient le mouvement communiste américain. Il travaille avec les gens de la revue New Masses, hein, au début des années 20. Et puis, désillusion face à l'URSS, désillusion assez précoce, horreur du rôle de la police politique soviétique dans la guerre d'Espagne. Là, c'est vraiment une fracture. Et là, il rejoint Orwell, si vous voulez. Hein. Il est du côté Orwell et pas du côté Hemingway. Il n'est pas du côté de ceux qui disent, bon, la fin justifie les moyens. Ouais. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il devient de plus en plus anticommuniste. Et c'est au nom de cet anticommunisme, qui reste d'abord une espèce d'espoir socialiste ou libertaire, qu'il va aller de plus en plus loin, considérant que le communisme étant le danger absolu, il va défendre la politique de McCarthy, du sénateur McCarthy, au moment de la chasse aux sorcières, et il va même faire voter pour Barry Goldwater, candidat d'extrême droite à la présidentielle, et au grand scandale de tous ses amis. Et ce qui est assez frappant, c'est que tous ses amis de gauche le désapprouvent son attitude, mais aucun d'eux n'a rompu avec lui. Ce qui donne aussi le sens d'un très fort sentiment d'amitié dans le groupe auquel il appartient. Mais à la lecture de La Grosse Galette, on n'a pas du tout ce sentiment parce que, en effet, c'est quelqu'un qui est encore marqué à gauche. Et vous auriez dit à Dos Passos qu'il serait plus tard un libertarien de droite, lui-même peut-être ne vous aurait pas cru. Il m'aurait pas cru, il aurait sûrement eu raison, je sais pas si je l'aurais dit, mais quand même, dans La Grosse Galette, je vous parlais de Mary French, là, cette jeune fille, une espèce de Jeanne d'Arc, c'est comme la Jeanne d'Arc des abattoirs de Brecht, hein, qui va se dévouer corps et âme, c'est le cas de le dire, avec des militants syndicalistes qui l'exploitent, il faut bien dire. Les personnages des militants communistes dans La Grosse Galette sont très négatifs, déjà, hein, il faut pas l'oublier. Et le compagnon concubin de Mary French, qui la laisse tomber du jour au lendemain, c'est pas un personnage très très glorieux. Et l'autre élément sur lequel il faudra peut-être revenir, c'est que l'ambiance de La Grosse Galette, c'est une ambiance populiste, alors cette fois au sens du roman populiste français, et pas militante. On essaiera d'y revenir, il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman de Dos Passos, Philippe Roger. Vous connaissez bien l'émission pour y venir régulièrement et vous savez qu'à chaque mi-temps de cette émission, il y a une chronique. Je vous propose d'entendre aujourd'hui celle de Mayalen Berasategui. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Mayalen Berasategui. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de La Comtesse de Ségur et vous êtes bien dans notre thème aujourd'hui puisque vous allez nous parler du fameux système de Ponzi qui est une arnaque bien connue mais qui est aussi une pièce de théâtre. Absolument, c'est une pièce de David Lescaut qu'il a écrite suite à l'affaire Madoff parce que le système qu'a utilisé Madoff est finalement le système qui avait été vraiment développé par Ponzi. Et donc la pièce revient sur la vie de ce garçon qui est un immigrant italien, qui a des goûts de luxe, mais qui arrive sans le sou, parce que dès qu'il a de l'argent, il le dépense, donc il se fait exploiter comme c'est pas permis, et puis il finit par se dire que finalement, le capitalisme, on peut peut-être s'en servir à son profit. Et donc c'est une pièce qui est un espèce de tourbillon avec des dizaines de personnages qui se succèdent, et comme c'est très très très rapide, ça montre à la fois l'instabilité de cette vie économique américaine, et en même temps toute la confusion qui permet à Ponzi d'escroquer les gens. En fait, ça s'arrête jamais, c'est une pièce où on n'a pas le temps de se poser, et donc c'est assez formidable à lire même. Mmh. Alors si on veut monter un système de Ponzi, comment doit-on faire, Mayalen ? Alors, pour monter un Ponzi, en fait, vous dites aux gens que vous allez placer leur argent, mais vous ne le placez pas. Voilà. En fait, ce que vous faites, c'est que vous payez les intérêts des anciens avec les nouveaux. Et pour faire rentrer des nouveaux, vous dites aux anciens, si tu ramènes des gens, je te donne une commission en plus. Et donc, quand les gens vous croient, ils réinvestissent leur argent. Et donc, tout ça est très virtuel. Et donc, Ponzi, il avait fini comme ça par ouvrir des succursales dans plusieurs États américains. Et il disait aux gens que, en fait, les banques, elles proposaient des taux d'intérêt moins élevés, mais c'est parce qu'elles détournaient l'argent, en fait. Mais que lui, il était honnête. Ouais. Voilà. Et alors, ça finit quand même par s'effondrer, même si ça a l'air de bien fonctionner comme ça sur le papier. Ah, mais il a des taux. Il a eu pas mal d'argent dans les mains. En fait, lui, pour vous la faire très très courte, on pouvait utiliser le système international de la poste, en fait, en échangeant des timbres en fonction du cours des monnaies. Bref, c'est un peu compliqué, mais en gros, il expliquait aux gens qu'on pouvait empocher la différence de manière légale. Et les journalistes ont fini par réaliser que même en faisant cette combine légale dont il parlait, en fait, il finissait par avoir tellement d'argent que ça ne pouvait pas venir de là, il y avait forcément autre chose. Et surtout, ils se sont rendus compte que Ponzi, lui, il n'investissait pas du tout son argent chez Ponzi. Ponzi, il voulait conquérir les banques et les systèmes classiques. Et donc là, les gens ont vraiment commencé à avoir des doutes, dégringolades, prison. Ponzi, à chaque fois qu'il tombe, il essaye de remonter, donc il a remonté d'autres arnaques après. Enfin voilà, il est mort au Brésil, non, il ne s'arrête jamais. Et donc, ce que montre Lescaut, c'est que finalement, on ne peut monter un bon groupe gros système de Ponzi que dans un monde où on croit, enfin où les émigrants ont des espoirs comme ça de richesse rapide si on est plus malin que les autres finalement. Et donc ça ne peut exister que dans un système où on croit à ce capitalisme et à cet enrichissement rapide. Et ce qui montre aussi, et à côté de c'est qu'à côté de la violence du quotidien, de la violence de l'exploitation, finalement Ponzi paraîtrait presque sympathique, sauf que les gens qui l'a arnaqué sont aussi ces petits épargnants qui croyaient au rêve américain. Évidemment. Et voilà. Ça me donne envie de vous demander, Maïalène, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup aujourd'hui de romanciers contemporains qui s'intéressent à cette question de la crise? Ça fait 10 ans qu'on parle beaucoup de la crise, il paraît qu'on en est un petit peu sorti. Est-ce que vous avez repéré dans votre travail de journaliste au Nouveau Magazine Littéraire des romans qui se sont emparés de ce thème, ou est-ce que vous avez l'impression qu'au contraire, finalement, on est passé à côté? Je pense par exemple à un bouquin de Sybille Grimbert qui brosse comme ça le portrait du fils d'un grand escroc américain, bien évidemment inspiré de Madoff, et qui est plus pour le coup dans le « quelle est sa responsabilité à lui ? Est-ce qu'il aurait dû savoir ? Est-ce qu'il aurait dû ne pas savoir ?» Il y a, alors, pas du côté des Français, mais il y a une série américaine qui s'appelle « The Good Fight », qui est le spin-off de « The Good Wife », et qui commence par une immense pyramide de Ponzi, l'un des personnages principaux étant la fille de l'homme qui est accusé d'avoir monté la pyramide de Ponzi. Oui. Donc c'est quand même un sujet qui revient. Moi, je crois que c'est surtout un sujet dont les journalistes doivent s'emparer parce que aux États-Unis, il y a tout un système. Les pyramides de Ponzi en tant que telles sont illégales, mais ce qu'on appelle le marketing multiniveau, c'est-à-dire où vous vendez un produit, où c'est pas directement de l'argent, mais où vous vendez un produit, ça c'est légal et ça fait des ravages. Et ça, je pense que les journalistes doivent s'y intéresser parce qu'en France, ça arrive aussi et il faut s'en méfier. Bon, voilà. Message passé. Philippe Roger, est-ce que vous, parmi les romans contemporains que vous avez pu lire ces 10 dernières années, vous avez l'impression que ce thème, peut-être plus aux États-Unis d'ailleurs, a inspiré les écrivains? Mais j'ai pas l'impression que ce soit très facile, et donc j'ai le sentiment, en tout cas, qu'en France, nos romanciers ou romancières se tiennent à l'écart de ce type de sujet. Ça reste un sujet difficile. Il y a certainement de très bonnes raisons pour se méfier de tels sujets. Vous faisiez allusion à la maison Nucingen tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'on voit bien que Balzac a beaucoup de mal à nous faire comprendre le montage. Et je crois que ce qui vient d'être dit est très juste. C'est plutôt du côté de certaines fictions cinématographiques ou des séries qu'on a eu d'assez bonnes choses sur les junk bonds, par exemple. Mais je pense que c'est un travail de documentariste. Oui, qui est absolument. Je pense que le cinéma est mieux armé, à la limite peut-être, parce qu'il y a un pouvoir démonstratif. On peut, avec un bon scénariste, montrer un certain nombre de choses sur ces montages. Et puis, c'est un travail pour le documentariste. On est dans un moment où le documentaire fonctionne merveilleusement. Et donc, c'est de ce côté-là, à mon avis, que les choses se passent. Cela dit, je voudrais quand même mentionner, parce que c'est un de mes écrivains préférés, Don DeLillo. Ah oui. Mais est-ce que c'est pas une chose... Comment dire, ça ne nous apprend rien sur les montages financiers. C'est ce roman qui n'est d'ailleurs peut-être pas celui que je trouve le plus extraordinaire, Metropolis, dont le héros spécule sur le yen, hein, et c'est une fable, c'est un conte, puisqu'il traverse Manhattan dans une limousine, il y a des embouteillages terribles, c'est une traversée métaphorique, il traverse des manifestations, etc. Et quand il a fini sa traversée, il traverse pour aller se faire couper les cheveux chez son vieux coiffeur de l'autre côté de l'île. Et quand il a fini la traversée, il a perdu toute sa fortune, en jouant depuis sa limousine sur le yen. Encore un livre qui a été adapté là aussi au cinéma, comme quoi l'argent finalement, ça marche bien au cinéma. Et puis on peut lire donc Le Système de Ponzi par l'auteur, metteur en scène et musicien David Lescaut, dont vous nous avez parlé, Maïalène. C'est une pièce disponible chez Actes Sud. Elle est parue en 2012. Et c'est bien la compagnie des auteurs que vous écoutez à l'occasion des 10 ans de la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers, qui a marqué le début de cette crise dont il est question toute la semaine sur France Culture. Et bien, nous revenons sur les grands écrivains des crises économiques et de la pauvreté qui est sa conséquence, avec aujourd'hui Philippe Roger qui nous parle de John Dos Passos et de son roman The Big Money, La Grosse Galette, roman où figure parmi les diverses biographies d'hommes réels le personnage d'Henry Ford, l'inventeur de la Ford T. En 1922 commença la campagne Ford pour la présidence. Haut salaire, force motrice et industrie disséminée jusque dans les petites villes. À laquelle Calvin Coolidge, cet autre philosophe de 4 sous, se chargea de donner un habile coup d'épingle en coulisses. Mais en 1922, Henry Ford vendit 1 332 209 boîtes à sardines. Il était l'homme le plus riche du monde. De bonnes routes avaient succédé aux ornières creusées dans la boue par le modèle T. Le grand boom de l'automobile avait commencé. Chez Ford, la production s'améliorait de jour en jour. Moins de pertes, plus de surveillants, de contremaîtres, de mouchards. 15 minutes pour déjeuner, 3 pour aller au cabinet. Partout, l'accélération taillorisée. Baissez-vous, ajustez le joint, vissez l'écrou, enfoncez la tige. Baissez-vous, ajustez le joint, vissez l'écrou, enfoncez la tige. Baissez-vous, ajustez le joint, vissez l'écrou, enfoncez la tige. Jusqu'à ce que la dernière parcelle de vie ait été aspirée par la production et que les ouvriers rentrent le soir chez eux tremblants, livides et complètement vidés. Ford était le seul maître de toutes les étapes du processus, depuis le minerai des collines jusqu'à l'instant où l'automobile, parvenu au bout de la chaîne, se mettait à rouler par ses propres moyens. Les usines furent rationalisées au 10 millième de pouce, selon l'échelle Johansen. En 1926, le cycle de la production, depuis l'extraction du minerai jusqu'au moment où la voiture quittait d'elle-même la chaîne prête à être vendue, fut ramené à 81 heures. Mais le modèle T était démodé. La prospérité de l'ère nouvelle et le plan américain, il y avait des conditions, mais n'y en a-t-il pas toujours, avait tué Tiny Lizzie, la boîte à sardines. Ford n'était plus qu'une usine automobile parmi d'autres. Une lecture par Pierre-Marie Baudouin. Alors, ça aussi, Philippe Roger, formellement, c'est un extrait qui montre bien l'innovation moderniste de la littérature de Dos Passos. Tout à l'heure, on a parlé de la forme des actualités. On a dit qu'il y avait 4 formes qui alternaient dans ce roman. Ça, c'en est une deuxième. C'est ces vies de personnes célèbres, réelles, ces biographies qui viennent, là encore, donner quoi le contexte, dire que finalement, ce sont des hommes qui sont à l'origine de la crise et des hommes qui y répondent aussi. C'est quoi la fonction finalement de ces biographies? Il y a un montage qui est complexe chez Dos Passos. Vous l'avez dit, il y a 4 formes. Il y a les actualités, newsreels. C'est des dépêches d'agences, des choses journalistiques, des titres, etc. Il y a l'œil caméra, il faut juste le mentionner aussi, qui est encore une autre forme. C'est évidemment une allusion au Kino Glatz, Dziga Vertov, le grand cinéaste soviétique. Donc là, c'est sans ponctuation. C'est sans ponctuation. C'est de la description pure. C'est presque de la caméra subjective, si j'ose dire, sans ponctuation, poème en prose, si on veut. Il y a un côté Blaise Cendrars, à mon avis. Bon. Et puis, il y a, d'une part, les grands, longs récits de personnages fictifs et les courtes biographies. J'ose pas dire biographème, c'est plus que des biographèmes, mais c'est des courtes vies de gens célèbres. Et alors là, il y a un contraste très intéressant parce que les personnages mis en scène par Dos Passos dans la grosse galette sont des personnages moyens. C'est en cela qu'il se rapproche de ce qu'on a appelé l'école populiste française. Ça a été quand même des personnages fictifs. Les personnages fictifs sont des personnages ordinaires, des vies ordinaires. C'est ce que Sartre d'ailleurs avait très très bien vu dans son fameux article de 1938 sur Dos Passos quand il dit « Nous reconnaissons tout de suite l'abondance triste de vies sans tragique ». Belle formule, peut-être pas complètement juste, mais une formule très bien frappée de Sartre. Et il prononce le mot populiste dans cet article de 38. C'est-à-dire que pour tous les gens qui lisaient Dos Passos en France au moment où il a commencé à être traduit, il est évident qu'il y a un lien avec le rêve ou la tentative ou la tentation populiste qu'ont illustré des gens comme Louis Guillou, comme Jeanne d'Abit, etc. Alors, ce sont des vies humbles, ce sont des vies de personnages sans importance particulière. Même à qui il n'arrive finalement pas grand-chose aussi. Il n'arrive pas grand-chose et quand il arrive un peu, ça se perd tout de suite. Si je peux encore citer Sartre, parce que son article est quand même brillantissime, même s'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Il dit « 1000 aventures ébauchées, manquées, aussitôt oubliées, toujours recommencées, qui glissent sans marquer, sans jamais engagé. Le mot engagé vient pas par hasard, hein, sous la plume de Sartre. C'est très juste, hein, cette description de Sartre. Donc, il y a un contraste que je trouve tout à fait fascinant entre les vies des personnages qui sont ces vies ordinaires, qui vont peut-être minuscules, hein, qui vont vers l'échec, toutes, et puis l'insertion de biographies, et qui sont des biographies d'hommes célèbres, d'hommes qui ont réussi, et qui sont pour la plupart des biographies d'ennemis, entre guillemets. Hein, si on pense Dos Passos comme un écrivain militant engagé anticapitaliste, en même temps, Ford, il y a Ford, mais il y a aussi Frank Lloyd Wright, c'est l'architecte voilà, célèbre, c'est pas forcément un ennemi quand même. Exactement, de la c'est pour ça ouvrière. Que c'est plus ambigu. Ce sont des grands hommes. Ces grands hommes s'opposent à ces vies humbles auxquelles consacre l'essentiel du roman Dos Passos, mais en même temps, ces grands hommes ne sont pas stigmatisés. Même Ford n'est pas présenté comme un monstre. Et puis, il y a des personnages très positifs, comme Veblen, qui est peu connu en France, mais Veblen qui est, on peut dire, un des maîtres à penser de Dos Passos. Oui. Qui a théorisé la société de loisirs. Oui, Veblen est un personnage très intéressant, qui est né au milieu du 19e. Il est mort en 29, donc avant la conception de la grosse galette, mais en pleine activité de Dos Passos. Et il était fils de fermier d'origine norvégienne et complètement autodidacte. Il a fait une thèse à Yale, tout est mystérieux, parce que la thèse à Yale, on n'en sait rien, parce qu'elle a disparu. Hein. C'est un des rares cas de thèse dont le seul exemplaire a disparu. Et il est célèbre surtout par son livre le plus célèbre, c'est la théorie de la classe de loisirs, hein, qui est publié en 1899. Il y a quelque chose de doublement prophétique, si on veut. C'est d'une part cette idée de la classe de loisirs, Et l'idée que finalement la dépense qui compte pour les gens, c'est une dépense qu'on appellerait somptuaire, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'il appelle conspicuous. Hein. Et on est déjà dans un registre qui est celui de la consommation comme spectacle, comme distinction. Quelque ça, chose entre Debord et Bourdieu, le reprend à son compte. Et voilà. Le et je pense que Veblen est important. Il est sans doute le nom le moins connu du lecteur français parmi les grands hommes de Dos Passos. Mais il est extrêmement important pour Dos Passos parce que ça va être une des sources de sa rupture avec un socialisme d'origine marxiste. Hein. L'autre grande idée de Veblen, c'est que, ce qui n'est pas complètement original non plus, mais c'est que ce sont les ingénieurs qui sont le sel de la terre. Mmh. Et que, puisque le mouvement ouvrier, lui, a été écrasé, qu'il n'a pas pu arriver à la révolution, il faut relancer ça au niveau des ingénieurs, d'ailleurs ceux qui vont piloter cette économie moderne. Mmh. Et ça, c'est le grand... Il a même... former une espèce de petit groupe à ce sujet, l'alliance technique. Et ça, c'est une idée qui est chère à Dos Passos. Donc Dos Passos fait ce panorama grâce à ses biographies. Qu'est-ce que ça donne sur le lecteur? Est-ce que vous avez le sentiment que ça fonctionne? Vous avez dit tout à l'heure que c'était un roman qui était peut-être un petit peu daté aujourd'hui. Mais est-ce que, vous l'avez relu pour nous, est-ce que vous avez eu le sentiment de revivre cette crise quand même des années 30 en le lisant? Ah, je pense que Dos Passos a une manière tout à fait particulière de nous plonger dans une atmosphère, en tout cas. C'est-à-dire que les parties les plus documentaires ou documentées sont tantôt très pédagogiques. Quand vous lisez les biographies, vous apprenez beaucoup de choses et vous êtes content de les apprendre. Vous vous ennuyez jamais. Quand vous lisez les parties actualités, c'est très allusif. Vous pouvez être un peu dérouté par le montage moderniste, mais si on aime Blaise Cendrars, on va aimer Dos Passos, si vous voulez. Enfin, le premier Blaise Cendrars en particulier. Moi, je pense vraiment que Dos Passos restitue pour nous une manière de vivre l'Amérique dont nous n'avons pas idée. C'est-à-dire que c'est ça qui est précieux à la lecture de Dos Passos, c'est que nous pouvons nous plonger dans une Amérique qui n'est absolument pas celle que nous connaissons ou croyons connaître par des histoires extérieures de l'Amérique qui sont sous le regard européen. Et je ne sais pas si Sartre a raison quand il termine son article, vous savez, la fameuse phrase fracassante « Je tiens Dos Passos pour le plus grand écrivain de notre temps ». Je ne sais pas si c'est vrai, et d'ailleurs de notre temps, est-ce qu'il veut dire, et c'est là toute la ruse de Jean-Paul Sartre, est-ce qu'il veut dire le plus grand écrivain que nous ayons aujourd'hui ou le plus grand écrivain qui ait décrit notre temps, hein ? Il y a une ambiguïté dans cette phrase finale. Mais je crois en tout cas que pour entrer dans l'Amérique de cette fin 19e jusqu'à 1927, la fin des grandes espérances, si on peut dire, du point de vue de Dos Passos. Il n'y a pas beaucoup de lectures aussi puissantes que celle de USA. Ouais. Le jeune homme marche vite, seul, à travers la foule, de plus en plus clairsemée la nuit dans les rues. Les pieds sont fatigués par des heures de marche. Les yeux avides de la courbe chaleureuse des visages, d'une lueur complice dans les regards, d'un port de tête, d'un haussement d'épaules, du geste des mains qui se tendent et se serrent. Le sang vibre de désir. La conscience est une ruche d'espoir qui bourdonne et qui pique. Les muscles font mal d'avoir connu tant de métiers. Le travail du cantonnier avec sa pelle et sa pioche, le tour de main du pêcheur avec son harpon, quand derrière le bastingage d'un chalutier qui tangue, il hisse son filet qui se dérobe, le balancement du bras du pontonnier qui met en place le rivet chauffé à blanc, la prise lente et ferme du mécanicien sur la manette de contrôle des gaz, l'effort du paysan qui, arrêtant ses mules d'un cri, pèse de tout son corps pour dégager la charrue du sillon. Le jeune homme marche seul à travers la foule, les yeux avides, les oreilles à l'affût de ce qu'il peut entendre, sans autre compagnie que lui-même, seul. In my solitude. Et c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture avec cet extrait du prologue à la trilogie USA, hein, pas seulement à The Big Money, la grosse galette. Philippe Roger, à quoi sert-il ce prologue qui recouvre donc les trois romans? Sert-il à expliquer qu'au fond, ces trois livres forment une unité, en ce sens aussi peut-être que ces trois romans parlent de la solitude et d'une solitude qui est spécifique à l'ère moderne dans laquelle se trouvent plongés de manière de plus en plus accélérée les personnages dans cette Amérique du début du XXe siècle? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois que la première chose qu'il faut peut-être dire, c'est que ce prologue a été conçu pour le rassemblement des trois romans. Dos Passos a persuadé, non sans peine, semble-t-il, son éditeur, parce que le troisième, La Grosse Galette, avait quand même eu un petit peu moins de succès que les deux précédents. Et une des hypothèses que je ferai à ce sujet, c'est que c'était étrange, au fond, de faire paraître, au milieu des années 30, un roman dont l'action se déroule entièrement dans les Roaring Twenties, c'est-à-dire en gros entre 25 et 27. Et que la Grosse Galette est un livre qui décrit une Amérique qui a déjà profondément changé au moment où le livre sort. Mais dont on vit les conséquences au moment où il paraît. Dont on vit les conséquences, mais vous voyez, entre le Roosevelt a été élu entre-temps. C'est le Recovery Act, c'est les débats ont complètement changé. On n'est plus en train de se demander si les financiers sont en train de jeter l'argent par les fenêtres ou de se jeter eux-mêmes par les fenêtres. Hein. On est en train de se demander si Roosevelt va rétablir le pays ou est-ce que Roosevelt est une sorte de dictateur, comme certains le pensaient, hein, qui va installer un régime autoritaire, mettre fin à la démocratie américaine. C'est très complexe ce moment Roosevelt. Hein. Et quand le roman La Grosse Galette sort, il raconte des choses démocratiques. Hein, il faut le dire très clairement. Alors, l'éditeur accepte la trilogie et c'est à ce moment-là que Dos Passos rédige le prologue. Et il le rédige, et vous avez tout à fait raison de le souligner, il le rédige pour unifier les trois romans. Il le rédige comme un écho anticipé, si j'ose dire, à la fin de La Grosse Galette, hein, qui est terrible. Mm-hmm. Puisque la fin de La Grosse Galette, c'est l'échec d'une grève qui est réprimée de manière extrêmement violente et on voit quelqu'un, un syndicaliste anonyme qui est en lambeaux, les vêtements sont déchirés, il a du sang sur ses vêtements et il repart à pied. Il a des centaines de kilomètres à faire, il essaie de faire du stop la nuit, aucun camion ne s'arrête. C'est une image de solitude qui peut parler à tout le monde, surtout à ceux d'entre nous qui avons fait du stop. Mais qui rend le livre moderne encore aujourd'hui? Ah, je pense que je pense que ça le rend profondément moderne et c'est ce qui entre le prologue et ce dénouement qui est un dénouement qui serre le cœur, hein, qui rend l'ensemble poignant, on voit bien qu'il s'agit d'une épopée des batailles perdues. Et c'est en ce sens que je l'ai rapproché tout à l'heure de Louis Guillou, qui n'est peut-être pas un des plus connus de nos écrivains de l'entre-deux-guerres, mais qui est un immense écrivain. Louis Guillou en podcast. Et il y a quelque chose de commun dans cette idée des batailles menées courageusement, inlassablement, qu'on reprend, mais qui sont des batailles perdues et de la solitude de l'individu. Et ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure, au moment où il termine sa trilogie, Dos Passos n'est plus le Dos Passos qui croit à la mobilisation des masses et à un avenir radieux, drapeau au vent, sur les barricades des grèves. Il est quelqu'un de profondément pessimiste au moment où il écrit ce prologue général. Ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, Philippe Roger, c'est que ce roman, cette trilogie, oscille en permanence entre la fiction et l'analyse de cette Amérique qui change à grande vitesse. Est-ce qu'on peut parler d'un roman historique? Est-ce que Dos Passos avait cette ambition de raconter l'histoire ces 30 années, ou peut-être même un peu plus, des États-Unis, puisque vous soulignez que la période importante pour les États-Unis, c'est depuis la fin de la guerre contre l'Espagne jusqu'à Sacco et Vanzetti, dont on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il fait œuvre d'historien ? Ah ben, je crois qu'il il a sans aucune hésitation possible l'ambition de faire la fresque de cette période de l'histoire américaine, il n'y a aucun doute, et même d'une partie de l'histoire européenne, parce que 1919 se déroule beaucoup en Europe, hein, comme vous le savez. Et je crois qu'il a eu et c'est ça qui fait que ce livre est marquant dans l'histoire de la littérature américaine et peut-être bien au-delà, c'est qu'il a su inventer une forme qui évite les naïvetés, hein, du roman historique traditionnel. Il n'y a pas de pathos du tout dans l'écriture aussi de Dos Passos. Il met à distance ce que vous appelez la naïveté. Il y a chez Dos Passos, mais là encore, je crois que Sartre l'avait fort bien entrevu. Il y a peu de choses qui lui a échappé dans ce roman, en tout cas dans ce dont il a parlé. Je trouve une sorte d'étrange indifférence. Il y a quelque chose chez Dos Passos comme un éloignement à ce qu'il décrit même, qui est délibéré, hein, ça ne l'empêche pas qu'il ait lui-même une espèce d'empathie profonde, violente avec les mouvements de libération ou d'émancipation, de révolte qu'il décrit, mais il le fait c'est un choix esthétique délibéré. Hein. Il le fait en refusant complètement l'entrée dans le pathos. Et à certains égards, il y a une référence qui est postérieure, mais qui me semble pas complètement fausse. C'est un certain Camus, dont il a été proche d'ailleurs dans l'après-guerre. Un certain Camus qui pour décrire des comportements en leur donnant cette couleur de l'absurde qu'il essaie de présenter au monde, à la fois dans des essais et de la fiction, il y a cette image, vous savez, il les met derrière une vitre, hein, il les met derrière une vitre, comme dans une cabine téléphonique où on verrait quelqu'un parler en gesticulant mais sans entendre les paroles. Mmh. Alors ça n'est pas tout à fait le cas, il y a la technique de Dos Passos, c'est un peu différente parce qu'il y a des paroles des personnages, mais ces paroles sont souvent des paroles qui ne semblent pas vraiment leur appartenir. Soit parce qu'elles nous arrivent au discours indirect libre, soit parce que ce sont des paroles déjà extrêmement stéréotypées, extrêmement prises dans le discours idéologique ambiant. Et les personnages ne sont pas des personnages qui nous arrivent directement, parce qu'ils ont ce trait d'appartenir à une communauté, à un ensemble, à un groupe, peut-être à la masse, ce qui était au fond l'objectif de la littérature populiste, hein, arriver à traduire cette appartenance à la masse. Et en même temps, c'est aussi un écrivain d'une forme d'engagement, on n'a pas le temps de le développer ici, une forme d'engagement qui met pourtant à distance, comme vous venez de nous le dire, Philippe Roger, le pathos. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous éclairer sur ce roman La Grosse Galette de John Dos Passos. Je renvoie bien sûr à la trilogie USA de Dos Passos, publiée en quarto chez Gallimard avec votre préface. Demain, suite et fin de notre série sur cette thématique, nous parlerons des raisins de la colère de John Steinbeck avec Marie-Christine Lemardelet de l'Université Paris 3. Cette émission a été rendue possible grâce à Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault. Elle a été réalisée par Laurence Millet. À la console aujourd'hui, c'était Jean Frédérix.